L'emplacement de droite est réservé aux véhicules de transport en commun. Je n'ai pas le droit de m'y arrêter même un court instant. De même, je ne peux déposer un passager en m'arrêtant le long du trottoir de droite, car le marquage au sol me l'interdit. En effet, m'arrêter à cet endroit, c'est obliger les autres usagers qui me suivent et qui vont tout droit à emprunter la voie de stockage réservée pour tourner à gauche. Réponse B et D.